Sénèque, de la brièveté de la vie. La plupart des mortels, Paulinus, se plaignent de l'injuste rigueur de la nature, de ce que nous naissons pour une vie si courte, de ce que la mesure de temps qui nous est donnée fuit avec tant de vitesse, tant de rapidité, qu'à l'exception d'un très petit nombre, la vie délaisse le reste des hommes au moment où ils s'apprêtaient à vivre. Cette supposée disgrâce commune n'a point fait gémir la foule seulement et le vulgaire insensé, même à d'illustres personnages, ce sentiment a arraché des plaintes. De là cette exclamation du prince de la médecine, « La vie est courte, l'art est long ». De là, prenant à partie la nature, qu'Aristote lui intente un procès peu digne d'un sage. Il la blâme d'avoir, dans son indulgence, accordé aux animaux 5 ou 10 générations d'existence, tandis que pour l'homme, appelé à des destinées si variées et si hautes, le terme de la vie est incomparablement plus court. Nous n'avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue. Elle suffirait, et au-delà, à l'accomplissement des plus grandes entreprises, si tous les moments en étaient bien employés. Mais quand elle s'est écoulée dans les plaisirs et dans l'indolence, sans que rien d'utile n'en ait marqué l'emploi, le dernier, l'inévitable moment vient enfin nous presser. Et cette vie que nous n'avions pas vue marcher, nous sentons qu'elle est passée. Voilà la vérité. Nous n'avons point reçu une vie courte, c'est nous qui l'avons rendue telle. Nous ne sommes pas indigents, mais prodigues. D'immenses, de royales richesses échues à un maître vicieux sont dissipées en un instant. Tandis qu'une fortune modique, confiée à un gardien économe, s'accroît par l'usage qu'il en fait. Ainsi notre vie a beaucoup d'étendue pour qui sait en disposer sagement.